Merci encore aux trois communicantes disciplines en termes de gestion du temps et de tout l'intérêt de leur communication, et notamment d'introduire, je crois, la discussion à travers un certain nombre d'idées paradoxales qui ont émergé des différentes communications. De la dernière, je retiendrai peut-être ces deux formules, politicized gender consciousness, donc conscience politisée par le genre, conscience genrée politisée, et cette notion de féminisme colonial très paradoxal, hein, surtout venant de milieux traditionnellement considérés comme conservateurs sur l'échiquier politique des métropoles d'origine et de la France d'origine. Et vous avez cité cette figure très attachante de sœur Marie-Andrée du Sacré-Cœur, qui, je crois, incarne particulièrement bien tous ces paradoxes, hein, et qui est représentative justement de ce petit trouble dans l'ordre colonial qu'ont pu, ça et là, introduire certaines sœurs blanches ou certaines congrégation. Je vais passer tout de suite la parole à la salle. On va prendre une série de questions. Nous avons à peu près 20 minutes pour mener une discussion et un débat. Barbara Gurley, University of Calabria, Italy. I just have a curiosity about who were these women. Were they sent voluntary or were they sent, were they voluntary or were they sent to Africa? Because apart from some specific cases of like vocation, I'm just curious about this. Thank you. Oui, merci. Evelyne Caduc, Université de Nice, et puis écrivain. J'ai plusieurs questions différentes, alors je ne sais pas. Elles portent essentiellement sur la première et sur la dernière communication, et elles concernent ce rapport entre les sœurs et les différentes réalités locales qui existaient déjà lorsqu'elles arrivent. Alors la première, c'est à propos d'Émilie de Vialard. Quand vous parlez de ces liens avec les chefs militaires, est-ce que vous évoquez en particulier les bureaux arabes, qui avaient une fonction très particulière, puisqu'à l'intérieur de l'armée, ils avaient un contact très particulier, très proche avec les musulmans, d'une part. D'autre part, quand vous dites que Émilie de Vialard a été victime en quelque sorte d'une sorte de concurrence de l'évêque d'Alger, est-ce qu'il n'y avait pas aussi un autre élément déterminant qui venait du fait qu'elle s'appelait de Vialard et qu'elle appartenait à cette famille et qui était, enfin, dont la connotation était quand même celle de colons aux gants jaunes, c'est-à-dire de nobles venus de la France royaliste à l'époque, en Algérie. L'autre question, alors, qui concerne aussi la Kabylie, je voudrais une petite précision. La mère de Jean Amrouche, donc, qui avait été baptisée, l'avait-elle été par les sœurs blanches ou par les sœurs de Saint-Joseph? Et y avait-il les sœurs blanches? Bon, alors là, c'est une autre question. Vous avez répondu. Alors, la dernière, à propos de votre dernière intervention aussi, est-ce que finalement, cet apostolat catholique ne tendait-il pas à entretenir la femme dans une certaine fonction, à savoir l'obéissance, le rôle de la mère idéale, etc., un peu la Vierge Marie en quelque sorte, la mère idéale, plutôt que véritable libération de la femme? Voilà. C'était les questions que je voulais vous poser. Merci. Arundhati Virmani from Marseille. I have a question for Sarah Curtis. I'm very intrigued by this clandestine baptisms, and I was actually very curious to know if how the baptized, the parents of baptized children felt about this. I mean, did they know that anything had happened, and or they were simply using the sisters in their own way? You know, I mean, the sisters were very happy because they baptized all these children. At the same time, the parents are probably thinking they are using these nuns. And so what happened after that? You know, it's just statistics, or I mean, something remains, doesn't it? Merci Rebecca Rogers pour ces trois communications vraiment très stimulantes, je pense. Et donc moi j'aurais un peu une question générale qui renvoie à ce que j'ai dit hier tout au début de la table ronde, la question des sources. en particulier hein, quand il s'agit de parler de femmes religieuses et les précautions, les difficultés, peut-être l'un ou l'autre pourrait adresser cette question, parce que je pense que c'est encore c'est très frappant, évidemment, le décalage entre ce qu'on a entendu dans les deux premières communications, parce que Sarah dit que dans les cercles ecclésiastiques, on en parle ouvertement, mais est-ce que pourquoi, du coup, on ne les trouve pas forcément quand on regarde dans les archives? Et puis j'ai deux petites questions un peu de précision aussi par rapport au baptême. Si les familles croient que ça, tu as beaucoup insisté sur le fait que c'est une forme de guérison, ils le voient comme une forme de guérison, sauf que a priori ils le font justement quand les enfants sont au voie de la mort. Et donc du coup, comment réagir à un geste perçu comme étant celui de guérir alors que les enfants meurent presque systématiquement après? Et question pour Sarah Gabrielle, est-ce que, un peu comme Sarah a décrit, de quelle manière on décrit ces cérémonies de baptême dans les sources, de quelle manière on décrit ces rachats de femmes pour fournir de futures, pour former de futures femmes à des convertis masculins? Alors on va peut-être s'arrêter, sauf si vous avez... On va peut-être s'arrêter pour une première série, puis on reprendra les questions, bien entendu, après. Donc, qui veut commencer? Moi, je vais essayer de répondre à la question des liens d'Émile Vialard, si Émile Vialard avait des liens avec les chefs militaires des bureaux arabes de l'intérieur du pays. C'était ces bureaux arabes s'occupaient des affaires indigènes dans les campagnes. Alors la seule réponse que je pourrais peut-être apporter, c'est qu'Émile Vialard s'adressait directement aux autorités les plus hautes. En plus, elle avait fait ses fondations dans les villes. Donc elle ne se trouvait pas dans les campagnes au contact de ces affaires indigènes, de ces bureaux arabes. Elle n'hésitait pas à aller demander un entretien avec tel ou tel général. Elle avait affaire directement aux autorités. Un chèque de tribu du désert, qui avait été surnommé le serpent du désert, lui avait demandé de venir s'installer dans ses tribus pour soigner les malades. Alors là, peut-être, si elle avait accepté, elle aurait eu affaire aux affaires indigènes, mais comme elle n'a pas accepté, voilà la réponse que je peux apporter. Ensuite, pour l'autre question qui m'a été posée, Émilie Vialard, dans sa lutte contre l'évêque, a-t-elle été victime de son indépendance, de l'indépendance qu'elle revendiquait, ou alors de sa noblesse, de son origine nobiliaire, noble? Je ne pourrais pas répondre franchement à cette question, mais il me semble que non. Quand l'évêque, à la suite de tribulations qu'il serait très long de rapporter, s'est trouvé en fuite et réduit à la misère, parce que évidemment il y a eu le retour du bâton contre l'évêque, parce qu'il avait sévi contre Émile Vialard, mais il avait aussi été impliqué à juste titre dans des affaires de conversion, et pour l'armée il en faisait trop, notamment l'histoire des baptêmes. L'évêque du Puge d'Alger pratiquait le prosélytisme actif. C'était d'ailleurs un des griefs qu'il faisait à Émile Vialard. Alors il s'est trouvé en fuite. Et chez qui s'est-il réfugié pour tout simplement lui donner à manger, le protéger, le faire partir vers la France? Eh bien, chez Augustin de Vialard, le frère d'Émilie de Vialard, qu'il avait persécuté, qu'il avait obligé à fuir. Alors, nécessité oblige, peut-être. Mais enfin, c'est là qu'il s'est réfugié. Alors, moi, je pense plutôt que c'est une affaire de concurrence religieuse. L'évêque voulait tout prendre à son profit. Et les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition lui faisaient de l'ombre. Plusieurs points de vue qui pourraient s'exprimer. Oui, je vais juste ajouter à la question de l'oblast d'Emily Vialard. Je crois que c'était son indépendance était plutôt en fonction de son argent. Alors, ce n'était pas qu'elle était noble, c'était plutôt parce qu'elle a fondé ses fondations avec ses propres... son propre argent qui est arrivé en avance de Dupuche. Et comme Mme Fragasse a dit, elle est très bien liée avec toutes les autorités, soit laïques, soit militaires, soit ecclésiastiques, à Rome. About the question of the parents, it can be assumed, the records have there are no records of children who survived. I have to imagine when there are numbers of thousands of baptisms that the sisters could not predict with 100% accuracy who was going to live and who was going to die, and some of the children may indeed have lived. But if so, there was no attempt to follow up. Precisely, I think, because these baptisms were held in so much secrecy. The practice of clandestine baptism also occurred among Jewish populations in Europe, the most famous case being that of Edgardo Mortara, which became a cause célèbre in the Jewish community because that was a Jewish child that was baptized, he survived, and then was taken from his parents to be raised as a Catholic. I have no records to suggest that this happened in any of these places. The parents did not know what was happening, as far as I can tell. It's certainly I only have records from the clerics and the nun side, but they suggest that they do this quite secretly, and they make references to the way in which, particularly in the Ottoman Empire, parents were very suspicious of them. And so they had a whole method, as I described before, of doing this in a clandestine manner. It is entirely possible, in fact, I think probable, that the parents themselves had a completely different agenda when they went to the nuns. And I think in China, the sources seem to indicate that using the water as a kind of quasi-healing spiritual ritual that in its theology meant nothing to the Chinese was accepted. In the Ottoman Empire, baptizing a child in the Christian faith, baptizing a Muslim or Jewish child in the Christian faith would have been met with much more hostility. So lacking the sources on the other side, it's hard to know what the agenda of the parents was, except that they were looking for health care for their children. Brings me to Rebecca's question about whether, families would start fleeing this holy water, because it appeared that after it was administered, this water remedy, then all the children died. That doesn't seem to be happening. I think that most parents went as a desperate measure and were not surprised when the child died afterwards. And some children who were not baptized generally did actually helped or cured by the nuns as well. So that doesn't seem to have been something that that occurred. Let's see. I think that answers the questions about what happened afterwards. About sources. This work and the previous work that I've done on missionary women has been from the point of view of the women themselves, and I've lacked generally sources from their clients, partially because of limitations of my own training, and partially because I think those sources are either non-existent or very difficult to find. I do think it has been important to my work to look at sources from a variety of Western eyes, not just to look at what the sisters write about their own work, but what other clerics write about them, how they're being perceived by lay authorities, to get a more complete picture, at least, of their own work, therefore finding these differences in the case of the baptisms that in the records that they talk about them so openly, yet they are very concerned that this not be made public. Say more about sources if there are more specific questions. And I just wanted to say quickly on the question of who the women were, which I don't think was actually addressed to me, but the orders I've looked at were both French and missionary, but they had a strong missionary component, and I think the women who joined them expected, even welcomed, the opportunity to go to mission territory. And I think I'll stop there. Okay, so the question about who were the women, not mentioned in the presentation, but in the paper I get into explaining a little bit, I guess more at the outset, more like the women who were targeted for recruitment, and that basically specifically, you know, in his call for, for new young women to join this order, for women from sort of rural backgrounds and working class backgrounds is what he, the criteria that he laid out with the expectation that, spoken of, with the issuing of the call for recruitment and the way they were described, in later writings, in very almost like masculine terms, as though, one needs kind of a masculine kind of like body to be able to do the sort of hard work that's always described, in Africa. Africa is a place that, requires really kind of like tough, hardy women. And so most of the women, actually all the women I think who responded to the initial call were from Bretagne. And but as, with time, of course, some women did join from, Marie Claver, she was from one of, the largest, the wealthiest families in France at the time. She was the deputy leader of the order. So, they came kind of, from all kinds of backgrounds. I think, is that give enough of a, I hope that explains it well enough. And then, of course, from Quebec, as I explained later on, for the most part. And then about the idea of the tension, again, between domesticity and emancipation, je vais reprendre en anglais, est-ce que ça va? That is kind of the, that's sort of the essential tension that really that carries the paper. And, I'm not sure where to take it analytically besides, attention attaches to, throughout the course of the White Sisters' work. But as far as, I really think that not just as attention, but even more, I would explain it as a dialectic, where actually like one really complements the other. And in the White Sisters' work anyway, and as reflected, and I think a lot of wider perspectives on the indigenous woman as having the potential of, as a kind of civilizing agent within the indigenous family, that domesticity and emancipation are necessarily attached in that manner of thinking. And then about the describing the rachat. Now for that, there were sort of two ways that this would that they would go about this. Sometimes it was directly, as in sometimes the missionaries were approached by a local man who wanted to, basically like offer the missionaries his daughter. But more often what would happen is one of the male converts would go to the fathers and say, I would like to marry this young woman, usually from a Muslim family, or almost always, and ask the fathers to kind of mediate on his behalf for the arrangement of the dower and the arrangement of their marriage, which is something that kind of leads me to suspect that perhaps a lot of men might have been attracted to the missionaries because they thought of them as a way to help them get wives. So that's something that I'm exploring to some extent, and I hope that answers. L'heure tourne, on va prendre peut-être deux ou trois brèves questions supplémentaires et en demandant aux intervenantes des réponses également relativement brèves. Très brève. Très brève, a dit le chef. Yes, I have a question. Randy de Guillem from CNRS Yeremam. It's also concerns conversion. And I was wondering if you looked at the question within the context of colonial power rivalry because there was a few studies that were published by a Polish researcher called Jerzy Zadanowski, who worked on this very question in the context of both young girls and boys who were converted, but in the Gulf area, in the Persian Arabic Gulf area. And he looked at it, it was very interesting, he looked at it in matter of quantification of numbers, because in his sources, in the diplomatic sources, it was said that such and such missionary belonging to whichever Catholic or Protestant part of Christianity converted how many children per year. So I was wondering if you looked at it that way within the context of colonial rivalry. Thank you. Bonjour, Camille Aubray, étudiante à Paris 1, en master. J'ai une question pour Sarah Curtis. Je me demandais, si j'ai bien compris, vous avez parlé de cette stratégie en fait, du baptême clandestin comme, en tant que stratégie missionnaire, certainement pour la hiérarchie qui restait en métropole, mais sur le terrain missionnaire, n'y avait-il pas des moments de tension ou des jalousies entre missionnaires hommes qui, au final, n'arrivaient pas à ces résultats envers les femmes. Merci. Et une dernière question. Je crois qu'il y avait une main voilà, qui s'est levée au fond. Bonjour tout le monde. I have a small question about the exception of faithful Catholic in China. In the 19th century, there are also missionary from come from England. Whether there are some conflict between the French missionary and the English missionary. Je suis obligée de censurer la suite hein, pour des réponses rapides. I'll start with missionary competition. I am well aware that in the Ottoman Empire, and for that matter in China, there is a lot of competition between Protestant and Catholic missionaries and Catholic missionaries of various nationalities. I don't have records that, because these baptisms were clandestine, I mean, when you talk about the conversion of children, I'm not sure whether that means clandestine baptism of children who died or whether that means the actual conversion of children who lived. But I don't have records in the statistics in diplomatic records. These are only in church records. Therefore, they don't make a comparison with numbers by other missionaries of other nationalities or of other religions. I don't think they would have had access to that information. They do talk in more general terms about the competition and the problems that arises. And I would say it's, again, in China, sort of a similar issue. Pour les questions de tension entre hommes et femmes, c'est étonnant parce que c'est vrai que pour la plupart des ecclésiastiques masculins ont accepté les femmes comme partenaires de leur travail, qu'elles ont assez souvent parlé de l'accès que les femmes avaient qui était nécessaire comme stratégie, comme j'ai décrit. C'est vrai qu'à côté, il y avait aussi des grands problèmes, par exemple entre Villiers et Dubouch, il y avait des problèmes d'autorité, surtout avec une supérieure générale et des évêques. Mais et j'imagine que quand même il y avait dans le quotidien des petites jalousies. Mais j'ai trouvé que le problème justement pour les ecclésiastiques masculins, soit sur le terrain, soit en métropole ou à Rome, était d'utiliser l'énergie de ces femmes qui étaient après tout la plupart des missionnaires au fin du 19e siècle, de vraiment l'utiliser pour leur but, mais pas de laisser les femmes faire toutes les décisions sur un terrain missionnaire. Donc oui, il y avait quelques tensions, mais moins que j'aurais pensé. I have to say, I don't know that I've given that as much thought, but off the cuff, in terms of the, you know, the orders, Levitsky's orders, the White Fathers and the White Sisters, I mean, they worked anywhere and everywhere. They kind of had, I guess, a complicated relationship with the empire, the French Empire, in the sense that Levitsky always wanted to emphasize that the work that they did was kind of complementary and in many ways supported, you know, the objectives, you know, the French imperial objectives. But, of course, they were primarily, you know, their allegiance was primarily to the Catholic Church. So, I'm not sure that I could answer, you know, beyond that in a way that would be satisfying. But, you know, they never saw themselves as participating in rivalries, in overt rivalries. Okay. Nous allons commencer avec 5 minutes de retard, nous finissons avec 5 minutes de retard, donc mission accomplie.